ne s'en va avec son soleil, son ciel bleu au réveil. Je reviendrai vers toi le jour des vacances. Comme une samba qui vient de là-bas, de Rio Brasilia, couleur de feu de joie. Je reviendrai vers toi le jour des vacances. Tu me tends les bras, je n'attends que toi, jour après jour. Tu seras la joie, tu seras le roi, quand tu viendras, quand l'été viendra, comme une samba, aux accords de couleur, comme un bouquet de fleurs, je chanterai pour toi le jour des vacances, comme une samba. Qui vient de là-bas, d'un pays merveilleux, oh, tout est si joyeux. Je reviendrai vers toi le jour des vacances. Tu me tends les bras, je n'attends que toi, jour après jour. Tu seras la joie, tu seras le roi, jour quand tu viendras. L'été viendra, comme une samba, aux accords de couleur, comme un bouquet de fleurs, je chanterai pour toi le jour des vacances, le jour des vacances, le jour des vacances, le jour des vacances, le jour des vacances.